L'automne est arrivé et vous avez des problèmes électriques? Les électriciens du Nord sont la solution en affaires depuis près de 40 ans. Les électriciens du Nord possèdent une équipe expérimentée à des prix très compétitifs. Que ce soit pour le commercial, industriel ou résidentiel, nous vous apporterons la tranquillité d'esprit que vous recherchez. Téléphonez au 418-347-5103. Le personnel et la direction des électriciens du Nord vous rappellent que acheter chez nous préserve des emplois. On va parler des Rapides de Boom-Sesny, les Rapides qui ont joué un match au cours de la semaine dernière, victoire de 4-1 contre les Marquis de Jonquière. On parle avec l'instructeur-chef Luc Fortin. Salut Luc! Salut Danny! Luc, parle-moi un peu de ce match-là, ça a quand même été quand même positif pour les Rapides. Ouais, c'était un bon match là. C'était un bon match de l'équipe là. On a été opportunistes offensivement. Puis le point positif, je pense, là, le point à retenir là, depuis le début de saison, c'est qu'on a joué un très bon match de défensivement. OK. C'est le point qu'on voulait améliorer depuis le début de saison. Puis les gars ont bien répondu. OK. Et si on parlait du match de la fin de semaine maintenant, vous allez affronter quand même une grosse formation qui est un petit peu moins forte que les autres années, mais c'est que ça reste quand même une bonne formation, soit les Hurricanes de Massouillache. Oui, les Hurricanes là, qui ont un très bon début de saison, là, ouais. C'est constaté en regardant leur fiche. Donc oui, on va les croiser avec cette équipe-là samedi en fin de journée. OK. Puis je regarde ça, c'est quand même un match quand même important parce qu'il est rapide, figurer quand même au quatrième rang. Massouillache au premier rang, donc puis je regarde ça, il y a quand même je regarde le classement, puis il y a quand même c'est quand même très très serré dans la ligue. Ça n'est surtout entre la deuxième, troisième, quatrième formation, Chicoutimi, Bécomo et la vôtre. Il n'y a pas une grosse différence là. Oui, c'est les équipes, j'en connais juste une, les Saguenayens, la seule que j'ai rencontrée qui sont dans ce temps-là, mais encore là. Ça présente encore jeune, tu peux le voir par le nombre de matchs joués par chaque équipe. Là. Cette année dans la Ligue, je pense que tout le monde peut battre tout le monde. OK. Si on venait pour Massouillache, le joueur à surveiller, Simon Landry, 9 buts, 7 passes. Et également Maxime Castonguay, qui est un défenseur, 6 buts, 4 passes. C'est vraiment les deux joueurs qu'on va regarder du côté des Rapides. Labrin, c'est pas toi que pour l'instant que je vais vérifier. La saison, c'est encore tôt. Présentement, je me concentre vraiment sur avec les entraîneurs, là, on regarde beaucoup notre aspect de jeu, autant notre jeu défensif que le jeu offensif. Là. OK. C'est vrai que présentement, c'est plus là-dessus qu'on se concentre. OK. Ben Luc, on va s'en reparler très très prochainement. La semaine prochaine, je suis en vacances, mais on s'en reparle dans 2 semaines. Ça me fait plaisir d'aller. L'instructeur-chef des Rapides de Boom-Sesny, Luc.